Vous a dit que 2021 serait l'année des miracles, des solutions et des résolutions. Et bien voilà, après des semaines, des mois, que dis-je, des années d'absence, Robin est de retour parmi nous pour vous parler de roulement de tambour, intense suspense, mathématiques bien sûr. Et tout le monde sait que les mathématiques ont toujours des solutions à tous les problèmes. Que les chiffres vous fassent vibrer ou non, laissez-vous emporter par la douce et grave voix de basse de Robin ce soir, qui vous emmènera au fin fond des mystères des pentagones, des chips, des courbes et de la géométrie non euclidienne. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est parfait, surtout restez quand même. Nous sommes le 3 février 2021, vous écoutez l'épisode 436 de Podcast Science, bienvenue. Si cette introduction ne vous donne pas envie de rester pour un épisode sur les maths, je ne sais pas ce qu'il vous faut. En plus, ce soir, autour de la table numérique, nous avons Cléora, notre psychologue ornithologue préférée. Bonsoir à tous. Nous avons Joanne, notre astrophysicien de l'espace depuis Paris. Salut. Pascal, notre génial ingénieur du son et maître de la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. C'est aussi le grand retour de Claire, l'alchimiste de notre cœur depuis Paris. Coucou. Et bien sûr, Robin, notre indispensable mathémagicien du soir. Et ben du coup, sans plus tarder, je te laisse le micro, Robin, et pardon pour l'intro, c'était vraiment pas pour te faire culpabiliser, mais pour emphasiser à quel point tu nous avais manqué jusqu'à présent. Ouais, j'espère que je vais pas vous faire changer d'avis ce soir. J'espère que vous n'avez pas regretté que je sois revenu, puisque là, je pense que j'ai encore gagné en inorganisation. On va quand même essayer, je tiens surtout à dire à tout le monde de la chatroom, aux gens qui peuvent parler en vrai, posez-moi des questions dès que ça n'est pas clair, c'est un sujet encore une fois extrêmement visuel, parce que sinon ça n'est pas drôle. Avez-vous déjà regardé un mur en meulière? J'espère que tout le monde voit ce que c'est qu'un mur en meulière. Cette espèce de pierres reconstituées là qui sont du marronnasse à l'ocre avec des joints. Ça emploie pas vraiment beaucoup de rêves. Si vous aimez la meulière, je veux pas dire que c'est moche, mais c'est pour essayer de décrire. Ça sur pas mal de maisons de banlieue, sur des murs aussi le long des trains souvent. Donc avec des fausses pierres marron, ocre, très très rugueux. Donc je sais pas si tout le monde voit de quoi je parle, les murs en meulière quoi. Et les formes des pierres, si on regarde vite fait, on pourrait voir plus ou moins des trucs circulaires. Bon, en fait, c'est pas circulaire. Il y a des joints qui sont bien droits entre les pierres. Et on peut regarder ça juste en se posant pas de questions du tout. Mais disons que quand on est payé pour être déformé pour voir des maths partout, ce qui est mon cas, c'est pas un choix. Hein, c'est vraiment mon métier. C'est parce que je suis payé pour que je regarde ce genre de choses. On peut se poser comme question combien chacune des pierres a de voisins. Voilà, c'est très naturel comme question. Alors merci Pascal qui vient de mettre une image. Pour les gens qui écoutent plus tard, et ben vous pourrez voir dans les notes d'émission, il y aura un magnifique exemple de mur en meulière. Je vais prendre cet exemple-là. Merci Pascal encore une fois pour essayer de parler précisément de ce que je veux parler, mais normalement sans l'image ça fonctionne. Si vous avez en tête donc ce que c'est, donc encore une fois, c'est des pierres avec un certain nombre de voisines et qui ont des formes tarabiscotées plus ou moins régulières. Et la question est donc, combien chacune de ces pierres a de voisines? En gros, si vous n'avez pas d'image du tout sous les yeux, vous prenez une ruche, des alvéoles bien hexagonales de ruche, et sauf que vous mettez le boxon là-dedans, c'est-à-dire que c'est tout déformé. Et en fait, si on regarde attentivement, sur une ruche, c'est que des hexagones, et en plus à peu près régulier. Alors que là, en fait, si on regarde, il y a des pentagones, c'est-à-dire donc des formes avec cinq côtés, donc des pierres qui ont cinq voisines. Donc il y a aussi des hexagones, hein, mais il y a régulièrement des pentagones. Il y a régulièrement des heptagones, donc sept côtés. ce qui est plus inhabituel. Et oui, il y avait pas mal de baraques comme ça vers Saint-Maur, dit Niv, et je confirme, mes parents habitant Saint-Maur. Alors, je crois pas que c'est à Saint-Maur que j'ai pensé à ça la première fois, mais c'était à Alfortville. Il y a un mur extraordinaire quand on sort du RER, immense, très très bien pour réfléchir à ça. Donc il y a des formes qui ont 5 voisines, d'autres qui ont 6 voisines, d'autres qui ont 7 voisines. Sur certains murs, on va jusqu'à des formes qui ont 8 voisines, ça arrive même assez souvent, les 8 voisines. Parfois, il y en a qui ont seulement 4 voisines, donc un quadrilatère, voilà. Et donc, de deux choses l'une, soit vous me connaissez, vous attendez la suite, soit vous me connaissez pas, vous dites il est complètement cinglé. Bonjour, bienvenue, je me présente, je m'appelle Robin, je suis gentil, et des fois je fais des trucs bizarres. Mais en fait c'est passionnant cette question-là. La question c'est, est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Est-ce que ça peut être fait n'importe comment? Ou est-ce qu'il y a des contraintes qui peuvent apparaître? Est-ce que on fait vraiment ce qu'on veut? Et en fait on fait pas ce qu'on veut. Et d'ailleurs j'aimerais énormément être là, sur un chantier où des ouvriers sont en train de le faire, pour voir comment ils font les formes. Est-ce qu'ils font complètement au pif? Est-ce qu'ils font comment ils font ça? Faut que j'arrête de regarder la chatroom. Vous me dites quand il y a des parce que les Molières font du théâtre, je vais pas pouvoir continuer à me concentrer. Non, c'est très bien. Et donc, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que j'ai parlé des ruches. Les ruches, c'est un peu tristoun par rapport à ça, c'est très très régulier. Chaque alvéole a exactement 6 voisins, c'est que des hexagones, donc à chaque fois on regarde, il y a 6 voisins. Et là, ben, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. Et en fait, en prenant bien le temps d'y réfléchir, et pour peu qu'on connaisse un peu des maths, on voit assez rapidement qu'en fait, il va falloir que ça se compense. Si on fait autre chose qu'un hexagone, si on fait une forme qui a plus de 6 voisins, il va falloir pas loin une forme qui a moins de 6 voisins pour compenser. Si on met un pentagone quelque part, il va falloir mettre un heptagone pas loin. Et on peut regarder sur un mur, donc là la photo qui est mise va pouvoir vous le confirmer. Si vous nous écoutez en faisant votre footing, et ben arrangez-vous pour passer devant un mur en Molière, ça se trouve quand même. Hein. Et vous pourrez constater qu'effectivement, ben, là où il y a un pentagone, il y a un heptagone pas loin, ou un octogone, et puis deux pentagones, et puis là où il y a un quadrilatère, il y a aussi un octogone pas loin pour compenser. Et en fait, ça s'explique avec des maths, avec plein de maths différentes. On peut regarder ça et être émerveillé. Par exemple, première façon de voir, probablement la façon dont un mathématicien normalement constitué va résoudre cette histoire-là, c'est de penser à ce qu'on appelle la relation d'Euler, dont j'avais déjà parlé dans l'épisode sur les graphes. Et en gros, la relation d'Euler, donc Euler, hein, pas de l'air qu'on respire, Euler, qui est l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, qui a réfléchi à peu près tout ce qu'on peut imaginer, probablement pas sur les murs en Molière directement, mais c'est très lié. Euler a trouvé une relation qui relie le nombre, alors sur un mur de Molière, le nombre de, on va appeler ça de joints tout droit, donc ce qu'on appelle des côtés, des arêtes, on va appeler ça en maths généralement, mais donc des joints tout droit, le nombre de points, le nombre où les joints se rejoignent en un point, et le nombre de cailloux. En fait, il y a une relation entre ces trois valeurs-là, si on fait l'un plus l'autre moins le dernier, ça va donner 2, et donc en gros, même sur un mur qui part à l'infini, on n'a pas le choix. Si on met des formes qui ont trop de côtés, il faut compenser avec des formes qui ont moins de côtés. Je le fais pas plus long que ça, parce que faire la démonstration complète pour des non-matheux, c'est l'enfer, et pour des matheux, c'est bon, ils savent le faire. Enfin, ils savent qu'ils savent faire. Donc voilà, ça c'est une façon de voir. Il y a une façon peut-être un peu plus simple, qui est d'imaginer, pour quelqu'un qui aurait jamais fait de maths, pourquoi ça serait pas possible, quoi? Pourquoi ça serait pas possible de mettre, par exemple, que des pentagones? De mettre des pierres qui ont chacune 5 voisines uniquement. Ou carrément des pierres qui ont chacune 4 voisines uniquement. Alors, il faut préciser une chose avant d'essayer de faire ça. Remarquez sur la photo qui a été mise, et sur quasiment tous les murs de Molière, j'ai déjà vu des exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup, les joints se rejoignent toujours 3 par 3. Donc, quand on prend les formes, elles se collent 3 par 3. Vous n'avez pas, comme dans un carrelage qui est fait avec des carrés, si on regarde un sommet de carré sur un carrelage avec des carrés, les carrés se regroupent par 4. Sur un mur en Molière, c'est extrêmement rare d'avoir ça, les formes se rejoignent 3 par 3, les joints se rejoignent 3 par 3. Et donc si on fait ça, si on s'impose que les joints se rejoignent 3 par 3, et qu'on essaye par exemple de mettre que des quadrilatères, Alors vous pouvez essayer. Ça va pas être très radiophonique, mais j'essaye de le faire. Vous dessinez un carré et vous voulez que les joints se rejoignent 3 par 3. Donc à chaque sommet du carré, vous dessinez un trait qui part en biais, 2 en haut, 2 en bas. Et vous voulez que chacune des formes ait 4 côtés. Et donc vous faites 4 trapèzes qui encadrent ce petit carré. Vous obtenez un grand carré autour du petit carré, et en fait ce que vous obtenez, si vous avez du mal à vous le représenter, je vais vous dire tout de suite ce que c'est, et comme ça, ça va vous aider, c'est en gros un cube en perspective vu de face, c'est-à-dire un petit carré, un grand carré à l'extérieur, et on a rejoint les sommets. Et en fait après on peut plus rien faire, parce que les sommets du grand carré, ils ont déjà 3 joints chacun. Donc si on donne comme règle du jeu que les joints se rejoignent toujours par 3, et que... Claire, je sais, je parle trop avec les mains, et pour une émission de radio, ça ne sert à rien, mais sinon, j'y arrive pas. Non, mais moi, j'adore, ça me réjouit. Mais cela dit, j'espère que les gens qui n'ont pas l'image arrivent à suivre. Donc, en gros, quand on essaye de mettre, par exemple, que des carrés qui se rejoignent 3 par 3, eh ben, on se rend compte qu'on fait le petit carré, les 4 trapèzes autour, le grand carré, et qu'après, on est bloqué, parce que tous les sommets qu'on a, il y a déjà 3 joints qui arrivent dessus, donc on peut plus rien faire d'autre. Et on se rend compte aussi que ce qu'on a dessiné, en fait, c'est un cube. On a dessiné un cube à plat, mais on a dessiné un cube. Et donc, en fait, on se rend compte que si on met que des quadrilatères et qu'on les joint 3 par 3, en fait, on n'a pas assez pour faire quelque chose de plan. On a quelque chose qui va se refermer, qui est trop petit pour recouvrir du plan et qui va donc se refermer et recouvrir plutôt une boule. C'est-à-dire qu'une sphère, sur un ballon, je peux dessiner un cube. Et effectivement, on peut le faire dans l'autre sens. Si on prend un cube et qu'on veut le mettre à plat, on fait le patron du cube, on le découpe et on est obligé de séparer et de laisser du vide entre deux faces qui étaient collées avant. Donc quand vous regardez un patron de cube, vous avez effectivement des carrés qui sont 3 par 3 et puis du vide. On voit la table, là où il y avait les deux carrés qui étaient collés, en fait on les a décollés et il y a la table qui fait un angle droit entre les deux faces qui étaient collées avant. J'espère que c'est à peu près clair ce que je raconte. Ouais. Ouais, ça va. Ça se suit. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de radio et c'est très très très compliqué. J'ai fait un exposé sans voir le public il y a pas longtemps, c'était très très compliqué aussi, mais au moins ils pouvaient me voir. Donc si on essaye en fait de faire autre chose, on constate que ça fonctionne pas. Pour les gens qui ont pas fait de maths, c'est un truc très amusant à faire, alors particulièrement si vous avez des réunions un peu longues, ce qui est le cas de pas mal de monde particulièrement en ce moment. Si vous avez des réunions un peu longues, vous prenez un papier, un crayon, puis vous dites tiens, je vais essayer de faire, alors là je vous ai dit avec des carrés, enfin des quadrilatères, ça s'arrête très vite. Prenons des pentagones, donc on prend des formes qui ont 5 côtés, puis on joue au même jeu que ce que je viens de dire. On essaye de faire en sorte que tous les côtés se rejoignent par 3, et on essaye de faire que des formes qui ont 5 côtés. Et puis, exactement de la même façon, ça va être un peu plus long, mais vous allez constater que ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, si on se trompe pas, on est bloqué. Tous les sommets ont exactement 3 arêtes, et on peut plus en rajouter, sans tricher avec la règle du jeu. Et donc en fait ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, c'est effectivement des polyèdres, hein, le cube, les pyramides et puis le dodécaèdre par exemple, pour ceux qui peuvent suivre ça. Donc le polyèdre, c'est la version 3 dimensions du polygone, c'est-à-dire que c'est un volume qui est délimité par des polygones. Donc ça c'est un truc qu'on peut faire qui est assez amusant, et par exemple dans les polygones qu'on peut s'amuser à faire, on peut s'amuser à, au lieu de faire que des pentagones, on fait des hexagones. Et régulièrement, on intercale un pentagone. Et ça, si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec un ballon de foot. Le ballon de foot classique, hein, le ballon de foot à l'ancienne, avec des faces noires et des faces blanches. Les faces noires sont des pentagones et les faces blanches sont des hexagones. Et on peut tout à fait le dessiner à plat. C'est très joli, ça occupe un bon moment de réunion, c'est vraiment très chouette. Et donc vous commencez par faire un pentagone, et puis autour vous l'entourez que avec des hexagones, et puis vous arrangez pour que à chaque fois quand vous regardez un sommet, là où des joints de carrelage là se rejoignent par 3, il y a toujours 2 hexagones et un pentagone. C'est pas assez pour faire un mur. Parce que le pentagone c'est que 5 côtés et ça va être trop petit, on va pas avoir assez de matière pour bien refermer. Alors on peut évidemment faire des angles plus grands, mais malgré tout ça va pas pouvoir se compenser. Il y a une chose à avoir en tête, parce que évidemment éventuellement les gens qui connaissent vraiment pas les maths peuvent ne pas me croire, mais je vous garantis ça marche. Mais la première idée qui vient serait de dire on change les angles quoi, on s'arrange. Mais faut bien comprendre que les angles, ça pose un problème. Par exemple, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça, normalement, vous le savez. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez mettre 4 triangles qui se rejoignent, bah, vous pouvez faire des angles plus grands, mais les autres angles vont être plus petits. Donc, ça va poser problème ailleurs. Et donc, en fait, y a vraiment un problème juste du nombre de voisins, du nombre de côtés. La géométrie exacte, on s'en fiche. On peut pas faire ce qu'on veut. Donc, si vous mettez des choses qui ont moins de 6 côtés, soit 6 côtés, soit moins de 6 côtés, ça va se fermer. Ça va s'arrêter. Ça va donc faire, en gros, un polyèdre mis à plat, déformé à plat, ou alors un truc qu'on pourrait dessiner sur un ballon. Alors d'ailleurs, j'en profite pour faire une toute petite pause là-dessus. Si jamais vous avez, comme moi, l'occasion de passer énormément de temps dans des squares, ce qui est quand même pas très... Enfin, je dis pas... Non, mais c'est bien, les enfants ont besoin de se dépenser pour dormir le soir, mais enfin, pour les parents, c'est pas forcément très... Y a un truc à faire qui est de regarder les ballons. Il y a une variété de dessins sur les ballons qui sont absolument géniaux. Il y a des cubes, il y a des ballons sur lesquels il y a dessiné des cubes, il y a des ballons sur lesquels il y a dessiné des pyramides, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'est génial. Ça occupe énormément. Les gamins vous regardent bizarrement, mais vous passez un bon moment. Donc voilà. Donc ça, c'est, en gros, l'idée, c'est de dire si on met moins de 6 côtés, on va pas avoir assez de matière, et donc ça va finir par s'arrêter. Si à l'inverse, on essaie de mettre plus de 6 côtés, et est-ce que, alors ça, je sais pas, il y en a qui connaissent pas et qui ont une idée de ce que ça pourrait donner. Si on met moins de 6 côtés, ça va se fermer, ça va s'arrêter. Un jour, on va plus avoir, tous les sommets vont être finis, ça va s'arrêter. Si on met plus de 6 côtés, si on essaye d'en mettre trop, quoi, est-ce que ceux qui connaissent pas ont une idée de ce qui peut se passer? Est-ce que ça peut être infini? Alors, c'est infini, de même que si on met que 6 côtés, c'est infini. D'accord? Si tu mets que des hexagones, même s'ils sont pas réguliers, t'auras aucun problème, tu peux continuer à remplir ta page autant que tu veux, même avec des hexagones qui ont des têtes complètement pourries, ça va partir à l'infini. Donc ça va continuer à l'infini, effectivement, mais il va se passer quelque chose de différent que ce qui se passe avec les hexagones seuls. Ça va faire un truc pas fermé qui part dans l'autre sens, je sais pas. Alors ça ne s'arrête jamais, mais concrètement si tu le fais, donc je te le conseille, je te le recommande, c'est vraiment hein, en réunion, c'est génial, moi j'ai sauvé plein de réunions comme ça. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir de moins en moins de place. C'est trop ce qu'on essaye de mettre pour le plan. Il n'y a pas assez de place. Et donc, ce qui se passe, c'est que les formes vont être obligatoirement de plus en plus petites. Et donc, on va avoir, en fait, quand on met pas assez, ça devient de plus en plus grand et ça s'arrête. Quand on met quelque chose qui est que du 6, ou alors à chaque fois qu'on met un 7 voisin, on met un 5 voisin pour compenser, ça va rester à peu près de la même taille partout. Bon, on dessine comme on veut, mais globalement, ça va rester des formes à peu près toutes de la même taille. Si on en met trop, bah, ça va devenir de plus en plus petit. Et on est en train d'essayer de ranger des formes à 7 côtés, à un endroit où normalement, on aurait envie de mettre un tout petit triangle. Bah oui, mais il faut mettre 7 côtés. Et donc, c'est de plus en plus serré, de plus en plus petit. Et d'une certaine manière, ça s'arrête parce que ça devient tellement petit qu'on n'arrive plus à dessiner dessus, quoi. Mais on voit bien que ça peut continuer à l'infini. Théoriquement. Donc voilà. Donc en gros, c'est-à-dire qu'il y a trois mondes possibles. Ça s'arrête, ça continue à l'infini, et globalement ça reste tout de la même taille. Alors, on voit bien qu'un pavage avec des hexagones réguliers, on peut le faire aussi grand qu'on veut à plat, ça n'y aura pas un problème. Et ça devient de plus en plus petit. Alors ça, c'est une façon de raconter les choses, et y a d'autres façons de raconter ça. Je l'ai déjà dit dans le premier cas, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire un ballon. On est en train de faire de la géométrie sur une sphère quand on met des formes qui ont moins de 6 voisins. Et donc, effectivement, il y a une façon de le voir qui est de dire une sphère, si on la déplie, on peut pas la mettre à plat. Ça, c'est tout le monde le sait, mais c'est une nouvelle façon de le voir. Un plan, c'est trop grand, d'une certaine manière, pour une sphère. Il y a trop de place par rapport à une sphère. Expérience qu'on a tous vue, qu'on a tous faite, qui permet de s'en rendre compte. On emballe la clémentine, on emballe un ballon, et avec le papier, on est super embêté parce qu'il fait des plis partout. Et on voit bien que il y a trop de place sur le papier, puisqu'on est obligé de plier, de superposer le papier à lui-même pour qu'il colle au ballon. Donc la sphère, il y a moins de place que sur le plan. Et quand je dis la sphère, en fait, c'est n'importe quoi qui se referme. Si vous essayez d'emballer un livre, enfin ça va, je pense que tout le monde a déjà essayé cette expérience incroyable, ça se passe bien quand c'est plat. Mais sur les angles, eh ben c'est là qu'on a le manque de place par rapport au plat. Donc ça se passe bien tant qu'on fait le tour du livre, mais par contre dans les sommets, eh ben on a trois, alors c'est pas des carrés, mais c'est trois formes à quatre côtés, c'est trois rectangles, Et donc la somme des angles, bah, c'est 3 fois 90 degrés, et c'est pas du tout assez pour du plan. Et donc c'est là qu'on est obligé de faire que le papier se superpose à lui-même. Ça va ? Ça vous paraît à peu près clair comme ça ? Ouais. Moi, quand je rebanalise, ça se passe toujours mal, par contre. Oui, alors voilà, ça se passe mal, ça se passe mal. Mais ça se passe mal, il faut dire précisément comment ça se passe mal. Le papier est obligé de se superposer à lui-même. Il ne se déchire pas. Oui, d'accord. On est d'accord. C'est là qu'est ton problème, Pascal. Et là où on a des risques de déchirer le papier, c'est si on est dans l'autre monde, le monde où il y a plus de place qu'à plat. Où on pourrait, par exemple, au lieu de mettre 3 carrés, ça va faire un cube. 4 carrés, ça fait un carrelage à plat. 5 carrés, on peut pas faire ça. Si on peut faire ça, on peut dessiner 5 quadrilatères, 5 carrés même, qui se rencontrent en un sommet. Mais ça, il faut se mettre sur des surfaces particulières. Alors, attention, il y a des indices. Est-ce que quelqu'un peut me dire sur quoi on peut dessiner 5... Enfin, on peut en mettre trop, quoi. Des surfaces sur lesquelles on peut en mettre plus qu'à plat. Par exemple, mettre des heptagones au lieu des hexagones. Non, vous avez rien suivi, je vous ai complètement paumé. Les chips. Les chips. Les chips. Ah, quand même. Je veux dire, le titre était extrêmement recherché, fallait que j'en parle, quoi. Les chips, les selles de cheval, les algues, les salades, les choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? Vous m'aidez pas à me concentrer. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'image, on vient de me montrer des pastèques cubiques. Ça me, voilà. Mais c'est tout à fait adapté comme illustration. Mais regarde pas la chatroom aussi. Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde? J'ai pas pris de notes. Si, j'en ai. Donc oui, les chips ou les selles de cheval, ce sont des surfaces, alors là, qu'on dit hyperboliques et non sphériques. Donc, le cube est une surface sphérique. J'espère ne choquer personne avec ça. En fait, la géométrie sphérique, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on peut le dessiner correctement sur une sphère. C'est son milieu naturel. Si on souffle dans un cube, si on souffle dans une pastèque cubique, on récupère une pastèque normale. Si on souffle dans un cube, on récupère un ballon. Si on veut dessiner un cube, on peut le faire sans, en faisant en sorte que les carrés aient tous la même taille, on ne peut le faire que sur une sphère. Sinon, à plat, si vous faites un cube en perspective, quelle que soit votre méthode, il y aura des déformations. Donc le milieu naturel de du cube, c'est la sphère. Donc on va parler de géométrie sphérique même pour un cube, qui pourtant a des angles. Ça va ? J'espère que soit normalement les gens qui ont l'habitude de m'entendre savent que en maths on dit des choses étranges comme ça. Donc voilà. Donc la selle de cheval. Si vous voulez offrir une selle de cheval à quelqu'un, eh ben vous allez constater que vous allez rencontrer le problème exactement inverse des cadeaux habituels, des livres et des ballons, qui est que là, c'est pas le papier, faut pas le superposer à lui-même, il va se déchirer. Il y a pas assez de place sur une feuille par rapport à la place qu'il y a sur une selle de cheval. Il y a beaucoup plus de place sur une selle de cheval. Donc ça, c'est lié à la géométrie qu'il y a sur ces formes-là. Donc là, il va falloir quand même que je donne un tout petit peu des définitions mathématiques de ces choses-là. J'espère avoir donné une vision un peu intuitive de cette histoire de pas assez de place, trop de place, la même place qu'à plat, moins de place qu'à plat, plus de place qu'à plat. Il y a des exemples, même on pourrait dire moins de place que sur une sphère, par exemple. Donc j'ai parlé de la clémentine qu'on empaquette, où on se rend compte qu'il y a des creux et des bosses, quoi. Ça se superpose. Si on essaye de mettre la peau de clémentine à plat, elle se déchire. Si on essaye de mettre la peau de clémentine sur une selle de cheval, elle se déchire encore plus. C'est encore pire, il y a encore plus de place. Donc on peut faire des comparaisons comme ça, avec du papier cadeau hyperbolique. Vous essayez d'emballer, même pour la partie plane de votre livre, un papier cadeau hyperbolique, ça voudrait dire un papier cadeau qui ressemble à une chips partout. Et bien en fait, vous êtes obligé de le superposer à lui-même pour pouvoir empaqueter, pour juste pouvoir le mettre à plat, en fait. Donc c'est vraiment voilà, faut avoir le bon paquet cadeau suivant ce qu'on veut emballer. Ça a effectivement pas l'air très pratique, hein. Non, le papier cadeau hyperbolique, enfin c'est pour emballer une selle de cheval, c'est vraiment uniquement pour ça. Et donc ouais, par exemple, on peut du coup comprendre qu'on va rencontrer ce type de géométrie dans plein d'endroits. Si on pense à des choses toutes bêtes comme une pomme qui sèche, ben le volume diminue, mais la surface reste la même. Donc la surface est trop grande la place qu'elle prend. Et donc pour se replier, pour diminuer, eh ben elle fait des creux et des bosses. Elle va ressembler, elle va faire des vagues dans tous les sens qui vont ressembler à des localement ça ressemble à des selles de cheval parce qu'il y a trop de surface par rapport au volume qui est emballé. Donc il y a vraiment cette histoire de trop de place et pas assez de place qui fonctionne relativement bien normalement. Alors il va quand même falloir que je parle donc un tout petit peu mathématiquement et puis après je peux parler d'autres exemples. Je commence par quoi ? Je fais un petit interlude maths, ce qu'on appelle la courbure en maths, et après je reviens des exemples histoire de je fais des couches dans un sens dans l'autre tout ça. Vous me dites si c'est vraiment trop pas clair, mais normalement je vais redonner d'autres exemples pour essayer de d'éclaircir, sauf si vous dites que c'est déjà extrêmement clair et que vous avez pas besoin d'autres exemples hein, mais j'en ai mais des Robin, marrants comme. Robin, dis-nous, c'est quoi une courbure en maths? Voilà, donc une courbure en maths, merci, c'est gentil. Mais alors c'est très pertinent, c'est exactement, on voit que j'ai mis mon plan en ligne et que tu me suis pas à pas. Donc une courbure en maths, qu'est-ce que c'est qu'une courbure? Le plus simple c'est d'expliquer, alors c'est toujours nul de parler de ce sujet-là parce que on va utiliser courbure et courbe, donc c'est complètement pourri, il faudrait inventer d'autres mots, mais vous prenez une ligne dessinée, une fonction pour ceux qui voient ce que c'est, quoi. En gros, vous dessinez vous prenez un stylo, puis vous faites une ligne. Voilà. L'idée d'une courbure, c'est qu'on a envie de donner une valeur à quel point quelque chose est courbe, ou au contraire, peu courbe. Peu courbe, ça veut dire, en gros, plus proche d'une droite, et très courbe, c'est un truc qui tourne beaucoup. On a envie de donner une valeur à ça, on a envie de donner un sens à ça. Plus ça tourne, plus il faut qu'il y ait une courbure forte, et moins ça tourne, et plus il faut que la courbure soit faible. Et alors ça, il y a une définition, ça fait partie des trucs, c'est tout bête, mais ça fait partie des trucs, je m'en suis pas encore remis, je trouve ça très élégant, je trouve ça très joli, la solution qui a été trouvée, très naturelle, une fois qu'on vous l'a dit, comme toujours, qui est de dire on cherche le cercle qui s'approche le mieux possible de la courbe à un endroit donné. Et c'est ça qui va vous donner la courbure à cet endroit-là. Donc, vous prenez votre ligne là, et vous essayez de trouver un cercle qui colle, vous prenez un point, et vous trouvez à cet endroit-là le cercle qui ressemble le plus à la courbe à cet endroit-là, autour de ce point-là. Et si la ligne que vous avez tracée tourne beaucoup, ça va être un cercle tout petit qui va coller. Si la ligne, au contraire, tourne très peu, ce qui va coller le mieux à cet endroit-là, c'est un cercle très très grand, parce que un cercle plus petit, il tourne beaucoup. Un cercle plus grand, il tourne très très peu. Et si on a une pointe, alors j'allais y venir. Merci, c'était prévu, mais merci de le dire. Si on a une pointe, on a l'impression que en fait, qu'il faut mettre à cet endroit-là, c'est pas un cercle, c'est rien, c'est un point à la limite, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression qu'on va, la tendance naturelle va être de dire, je prends un cercle petit, ah non encore plus petit, ah non encore plus petit, ah de plus en plus petit, et que en fait, si c'est vraiment un angle, le seul truc qui colle, ben, c'est pas un cercle, c'est un point. Il y a pas de cercle qui colle à cet endroit-là. Donc c'est le cercle le plus petit possible. Donc on pourrait dire d'une certaine manière, en abusant, mais j'aime bien abuser, on fait de la vulgarisation, on fait pas un cours de maths, que bah on pourrait dire qu'un point c'est un cercle infiniment petit et que quand il y a un angle, ce qui colle le mieux c'est un cercle infiniment petit. Ça vous va ? Très bien. J'aime bien le infiniment petit. Ouais. Et puis à l'inverse, on pourrait dire... Lui, il a le droit, il n'est pas physicien. Ouais, c'est voilà. Ça. Et puis exactement. Merci Pascal de ce rappel. J'ai donc participé à un truc organisé par un centre culturel très bien, très sympa par ailleurs, et qui m'a fait parler de l'infini. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, d'ailleurs je fais la pub parce que ça devrait plaire à pas mal de gens qui connaissent Eloïse Chauchois. C'est une conférence avec un illustrateur qui illustre en direct. Donc moi c'était Boutanox, que je ne connaissais pas, qui est adorable et qui a fait un truc très chouette. Et la semaine prochaine c'est j'ai oublié, je vais le retrouver, le nom de la personne qui parle, que je connais aussi, Guillaume Monin, et Eloïse Chauchois qui fait les illustrations en direct sur l'infini mais en physique. Et là ils se permettent de parler d'infiniment petit et d'infiniment grand à propos de physique, de biologie et de choses comme ça. J'ai essayé de ne rien dire. Réécoutez les épisodes sur l'infini si vous voulez connaître mon avis là-dessus. Bref, donc en maths, on peut dire qu'un cercle, qu'un point, c'est un cercle infiniment petit, pourquoi pas. On voit bien quand même qu'il y a une dynamique, qu'il y a un truc assez logique. Et puis à l'inverse, si on fait grossir un cercle, eh ben, il va sortir du champ de vision et on va de moins en moins se rendre compte qu'il tourne. Et donc on peut dire aussi qu'à la limite, eh ben, une droite, c'est un cercle infiniment grand. Et ça, en maths, on le fait très, très, très, très, très, très souvent. On va dire que, d'une certaine manière, une droite, c'est un cercle qui a un rayon infini. Du coup, le centre, on sait pas bien où il est, mais c'est pas grave. C'est quand même, d'une certaine manière, un cercle. Bon. On le fait aussi en physique, ça. C'est pour ça qu'on dit que la Terre est plate. Enfin, qu'elle est plate. Localement. Localement. Non, alors si, cela dit, je peux faire une remarque là-dessus, effectivement, la Terre n'est pas plate, mais la Terre est tellement grande que si vous prenez une règle parfaitement droite, vous avez l'impression qu'elle colle parfaitement au sol quand vous êtes n'importe où, quoi. Donc c'est même une règle qui fait un kilomètre de long, si on enlève les immeubles, si on enlève les arbres, tout ça, on peut la mettre à plat, parce qu'un kilomètre c'est rien du tout par rapport à la taille du cercle sur lequel vous trouvez. Donc voilà. Et donc c'est la courbure. C'est 1/40 millième, c'est pas rien du tout. Ouais, c'est quand même pas grand chose. C'est pas infiniment grand. Non, mais c'est suffisamment petit pour que vous en rendiez pas compte. Donc voilà. Et donc qu'est-ce que c'est que la courbure, la valeur qu'on va donner? Alors vous voyez, c'est un peu gênant parce qu'en gros, plus ça tourne et plus on a un cercle petit. Alors qu'on a plutôt envie de donner une valeur forte quand ça tourne beaucoup et une valeur faible quand ça tourne pas beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend 1 divisé par le rayon du cercle, qui colle le mieux à la courbe à cet endroit-là. Donc si c'est un cercle tout petit, 1 divisé par le rayon du cercle, ça va donner une grande valeur. Si c'est un cercle très grand, 1 divisé par le rayon du cercle, ça va donner une valeur très petite. Et donc c'est cette valeur-là qu'on appelle la courbure d'une courbe. Encore une fois, c'est très malheureux ce... Et donc, bah, si on est d'accord pour dire qu'un point, c'est un cercle infiniment petit, et ben, c'est-à-dire que la courbure, quand il y a un angle, elle est infinie. Et si on est d'accord pour dire qu'une droite, c'est un cercle avec un rayon infiniment grand, bah, 1 divisé par l'infini, c'est 0. Et dans ce cas-là, on dira que la courbure est nulle si ce qui approche le mieux une courbe, c'est une droite. Donc ça marche assez bien, quoi. Ça fonctionne avec l'intuition qu'on a de la courbure. J'ai tout compris. T'as tout compris, c'est merveilleux. Alors ça, c'est la courbure pour une ligne, mais vous notez que depuis le début, je vous avais parlé plutôt de surface. Et alors là, ça se corse. C'est extrêmement compliqué tout de suite. C'est tout pourri. Parce que sur une surface, ça dépend de ce que vous regardez. Alors sur une sphère, par exemple, c'est sympa. Sur une sphère, vous regardez dans toutes les directions, c'est courbe pareil. Ouais. Mais si vous placez sur une chip... Alors, on dit une chip ou on dit une chips? Je voulais lancer le débat. Alors oui, les sondages de ce... Enfin, les résultats de ce sondage, pardon, sont unanimes. Presque à 80%, les gens disent une chips. Ouais, mais c'est beaucoup moins drôle. Donc moi, je continuerai à dire une chip. Donc si vous prenez... Attends, il n'y a pas de singulier à chips, c'est comme les vacances. Et les spaghettis. Tu la manges jamais par une, la chips, ça n'existe pas, ce concept. Comme les vacances, t'en prends jamais une. C'est clair. Quand tu poses une journée de congé, tu dis pas que tu poses des vacances, excuse-moi. Hein. Bon, bref, on a le droit de manger une chip. De toute façon, c'est moi qui fais le dossier, donc c'est moi qui ai raison. La courbure de la Terre, du coup, c'est 1 sur 6000. Alors, non, mais justement, parce que c'est une surface. Donc, la courbure de l'équateur, c'est 1 sur 6400 km. Voilà. Mais la courbure de la Terre, c'est plus compliqué, parce que donc, c'est une surface. Et alors, donc, encore une fois, ce qui est très embêtant, c'est que si vous vous placez sur une sphère, vous regardez la courbure dans tous les sens, c'est un même cercle, un cercle de la même taille, donc ça va se passer, ça va bien se passer, c'est la même courbure partout, c'est facile, mais c'est l'exception, ça, quand on est sur une surface normale, et ben, suivant la direction que vous prenez, ça donne des courbes qui n'ont pas la même courbure. Donc ça, c'est quand même très gênant. Et, heureusement, il y a un truc sympa qui se passe, c'est que, on va pouvoir regarder la définition qui est donnée, c'est de dire qu'on regarde les courbures extrêmes. On se place en un point, on tourne dans tous les sens et on regarde toutes les courbes qui passent par ce point et qui restent sur la surface là, et elles sont plus ou moins courbes. Et on va prendre les deux extrêmes, les deux courbures extrêmes. Alors sur une sphère, donc de toute façon, si vous tournez autour d'un point, vous avez que des cercles tous identiques. Donc en gros, les deux extrêmes c'est juste deux fois le même cercle. Si vous êtes sur une chip. Alors je suis sur le dictionnaire de l'Académie française. Parce que je n'y tenais plus. Vous m'excuserez, je n'y tenais plus. Voilà. Chips, S se prononce nom féminin pluriel, 19e siècle emprunté de l'anglais chip. Non mais féminin pluriel, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de parler d'une chip, parce que là ils disent non féminin pluriel, donc c'est que des chips. Non, écoute, on n'a pas le droit, je crois. Hein, voilà. Et ben moi je suis sur une chip. Alors sur une. Sinon on peut partir sur la Salachuel ou le Pringle. Ça. Ouais, mais c'est beaucoup moins drôle. J'aime beaucoup faire rager Johan. Le Pringle. Donc. Sur une chip ou sur une selle de cheval, allez. Si vous mettez bien au milieu là, ce qui va se passer, c'est que quand vous tournez, vous regardez toutes les courbes qui passent par vous. Il y en a qui vont vers le bas et il y en a qui vont vers le haut. C'est aussi ce qu'on appelle un point col pour parler des cols de montagne. Un col de montagne, on est d'accord que dans certains points de vue, c'est le point le plus haut quand on marche et qu'on va d'une vallée à l'autre. On est très content d'être au col, on s'en va plus qu'à avoir qu'à descendre. Mais c'est aussi le point le plus bas si on va d'un sommet à l'autre. D'un sommet à l'autre, là, pour le coup, le col, c'est le point le plus bas. Donc, en fait, ça veut dire que si vous êtes sur un col de montagne, je vais parler de ça parce que pour de vrai, on a plus de facilité à s'imaginer sur un col de montagne. Si vous tournez avec les bras autour de vous, là, que vous regardez les courbures de la pente, tout autour d'un tour complet, et ben vous allez passer des bras en bas à des bras en l'air, donc les deux courbures extrêmes, il y en a une qui est vers le bas et une qui est vers le haut. Et puis si vous êtes sur un ballon, pas de foot, mais un ballon de rugby, ben, suivant la direction que vous prenez, vous allez toujours avoir les bras vers le bas, mais il y a des moments où ils vont être presque à plat, alors que d'autres endroits, ils vont être très vers le bas. Et donc en fait, ce qu'on va appeler la courbure sur une surface, c'est on prend ces deux courbures extrêmes et on les multiplie entre elles. Et c'est ça qu'on va appeler la courbure d'une surface. En un point. Donc voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que aussi, si on a les bras vers le haut, on le compte négativement. Si on a que les bras vers le bas, on les compte positivement. Donc tous les ballons vont avoir une courbure positive. Mais par contre, les chips. Non, les chips, là pour le coup. Là, t'exagères quand même. Tu tires quand même. Les chips vont avoir une courbure négative puisque vous avez tantôt les bras vers le bas, tantôt les bras vers le haut. Et donc, si on multiplie les deux courbures extrêmes. Ça va donner un nombre négatif. Et puis, chose très importante, très intéressante à noter, si vous êtes sur un cylindre, vous allez avoir soit les bras vers le bas, soit les bras horizontaux. En fait, l'autre extrême, c'est les bras horizontaux, c'est-à-dire une courbure nulle. Si vous regardez un cylindre de profil, il y a une ligne droite. Et ça, c'est une courbure nulle, c'est pas courbe du tout. Et donc, si vous multipliez 0 par quelque chose, ça vous donne 0. Et donc, la courbure d'un cylindre, c'est 0. Et ça peut éventuellement perturber, on peut être déçu, parce que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. La courbure d'une surface, on a quand même l'impression qu'un cylindre est courbe. Plat au niveau. Pas sur les bords du cylindre. Alors, un cylindre est infini, on est en maths. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc voilà. Il est fait avec une droite qui tourne. Donc c'est clair que si tu te places sur le cylindre, vous prenez votre rouleau de papier toilette. Infini. C'est pratique pendant le confinement. Pendant le confinement, voilà, tu les colles les uns avec les autres, on fait l'infini là, c'est sûr. Il y a une direction où si vous tracez la courbe qui part d'un point, ça va vous faire un cercle, ça va. Et à angle droit, ça va vous faire une droite. Et en fait, on peut pas avoir de courbure. Enfin, c'est une des deux courbures extrêmes, la ligne droite en fait. C'est de moins en moins courbe, à partir du cercle, ça va se tordre, ça va donner une courbe qui est de moins en moins courbe, qui a une courbure de plus en plus faible, jusqu'à arriver au cercle qui a une courbure nulle. Et donc en fait, le cylindre, ça a beau être courbe dans le langage courant, mathématiquement, ça a une courbure nulle. Et en fait, c'est bien, parce qu'effectivement, ça s'emballe très très bien dans du papier. C'est-à-dire que tout ce qui se passe géométriquement à plat, va se passer exactement de la même manière sur un cylindre, contrairement à la sphère ou à la selle de cheval. Et donc ça correspond à une certaine réalité, ça fonctionne très très bien en fait. Si on coupe le cylindre dans le sens de la hauteur d'ailleurs, on peut tout à fait l'aplatir. Et voilà, exactement, on peut emballer un cylindre ou on peut le découper et l'aplatir. Ou on peut aussi, plutôt que de le couper verticalement, on peut faire beaucoup mieux, on peut suivre la fabrication du cylindre. Et ça c'est magnifique, vous avez déjà fait ça. Vous avez jamais déplié un cylindre en le... Vous savez que c'est collé là, ouais. Et c'est magnifique, mais c'est juste un rectangle qu'on a enroulé en spirale en fait. C'est magnifique, faites ça un jour, c'est extraordinaire. Pardon. Je m'emballe un peu trop, pardon. Donc, toi, les papiers toilettes dans les supermarchés avant le confinement, tu les as achetés juste pour dérouler le rouleau à l'intérieur pour... Mais si ça. Vous saviez... Mais il y a plein d'autres choses à raconter sur le papier voilà, toilette. Voilà, pensez-y, hein, en plus de lui offrir des tickets de métro usagés pour faire des structures, gardez vos rouleaux de papier toilette vides. C'est magnifique. Ça marche aussi avec le sopalin. Hein. Magnifique pour Robin. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Suivez l'endroit où ça a été collé et vous allez vous en rendre compte. C'est impressionnant. C'est juste une bande de carton droite qu'on a enroulé en spirale, quoi. C'est quand même fou. Non, enfin bon bref. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on rejoue au jeu de j'ai combien de voisins, j'ai autant de place qu'à plat, plus de place qu'à plat, moins de place qu'à plat, c'est très clair que sur un cylindre, vous avez exactement la même place qu'à plat, puisqu'en fait vous prenez un truc plat que vous vous contentez d'enrouler. Et là, pour le coup, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas le problème d'emballage de clémentine ou d'emballage de sel de cheval. Et les rouleaux de papier toilette, LJJ en a déjà bien parlé sur son blog, et je pourrais encore raconter plein de trucs. Il y a même un lien avec les quasi-cristaux, si tu veux. Claire. Une... Non. Si. Bref. Tu me mets des images dans la tête après, c'est terrible. J'ai un mix de rouleaux de PQ, de quasi-cristaux, ça part dans tous les sens. Bref, donc, avec les motifs imprimés sur le papier toilette, pour être plus précis. Donc voilà, pour Pouf, j'en étais où ? Je me suis perdu moi-même. Donc voilà la notion de courbure. Et donc, si on regarde ça, il y a donc courbure négative, c'est tout ce qui est surface hyperbolique, c'est tout ce qui donne plus de place qu'à plat. Courbure positive, c'est tout ce qui finit par se refermer, donc c'est tout ce qui, si on souffle dedans, donne une sphère. Et courbure nulle, eh ben, c'est tout ce qu'on peut mettre à plat, sans le déformer. Tout ce qu'on pourrait emballer avec un papier normal, sans s'embêter. Ça va ? C'est une autre façon d'aborder les choses, et en fait, il se trouve que ça colle très très bien. Voilà. Et que ça... Alors... Là aussi, il y a une expérience à faire. Alors, je peux pas vous la montrer. En exposé, je la montre. Mais voilà. Donc, si vous êtes en train de courir, tant pis pour vous. Si vous êtes chez vous, tranquillou, et que vous vous demandez quoi faire parce qu'il est 18h et que vous vous êtes enfermé chez vous, ou que vous avez des enfants qui s'ennuient, vous pouvez faire ça avec eux, c'est très chouette. Prenez des triangles, vous découpez des triangles dans du papier canson, dans du carton, dans ce que vous voulez. Et vous pouvez faire l'expérience. Vous allez les scotcher. Donc vous scotchez trois triangles par une pointe, qui se collent par une pointe. Et ben là, si vous essayez de les scotcher et de les coller tous les trois ensemble au même endroit, vous aurez un sommet très pointu, un sommet de pyramide. Et puis de pyramide à base triangulaire. Et puis si vous rajoutez un quatrième triangle, et vous collez les deux triangles qui sont tout seuls, les deux côtés de triangles qui sont tout seuls, hop, vous faites un sommet avec quatre triangles, et ça fait un sommet de pyramide d'Égypte. 5 triangles, ça va faire un sommet moins pointu de pyramide à base pentagonale. 6 triangles équilatéraux, vous êtes à plat. 7 triangles, et ben là, vous savez pas comment faire pour mettre un 7e triangle autour du même sommet, mais en fait, si ça se fait, il suffit de le mettre en biais, et ça va vous faire un truc qui commence à ressembler à une chip. C'est-à-dire que vous allez avoir, au milieu des 7 triangles, un point sel, un point colle, un point chip. Un point où, si vous regardez dans une direction, ça descend, et si vous regardez dans une autre direction, ça remonte. Ça fait des creux et des bosses. J'essaye de le raconter encore autrement, ça ressemble à une algue. Ouais, donc ça fait des vagues. Et en faisant des vagues, en fait, on se rajoute de la place autour de ce point. Et donc on se rajoute de la place, on peut mettre un 7e triangle, on peut mettre un 8e, un 9e, un 10e, autant qu'on veut en fait. Les surfaces hyperboliques, elles sont plus ou moins courbes, et si elles sont très très courbes, on peut mettre, on peut mettre tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est une expérience qu'on peut faire qui est assez sympa, et on se rend bien compte qu'effectivement, si on veut mettre une pyramide à plat, un sommet comme ça de pyramide à plat, on va scroucher, ça va se défaire, ça va se déscotcher, ça va s'écraser, il faudrait étirer, pouvoir faire ça en caoutchouc, il faut l'étirer, donc il faut les agrandir pour les mettre à plat. Les 6 triangles équilatéraux, ils sont à plat, on les laisse à plat, on est content. Et si on veut mettre les autres à plat, on va manquer de place et on va être obligé de réduire les triangles. Si on prend l'ombre, on va être obligé de prendre des triangles plus petits. On va être obligé de réduire leurs angles pour que ça tienne sur la feuille. C'est une autre façon de raconter la même chose. Alors sinon, dans les aspects pratiques de ça, donc c'est un truc ce que j'aime beaucoup avec ce sujet-là, c'est que donc c'est la courbure, c'est la géométrie sphérique hyperbolique plane, c'est des choses que les mathématiciens ont fait depuis très longtemps et qui a un rôle essentiel en mathématiques. C'est une des bases de la géométrie. Qu'est-ce que ça veut dire la géométrie ? Eh ben, on se place dans différents mondes, on essaye de voir ce qui se passe dans différents types de géométrie. Là, je vous en fais que trois, mais il y en a bien plus que ça des géométries. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est de voir à quel point c'est extrêmement concret et extrêmement à quel point ça intéresse énormément de monde, ces choses-là. Donc, je vous ai parlé des gens qui ont fait les murs en meulière. Je sais pas s'ils sont au courant, mais clairement, ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, ça marcherait pas. Et il y a plein d'autres gens. Donc, bon, les paquets cadeaux, bon, aussi, mais un peu moins. Mais par exemple, il y a tout ce qu'on peut retrouver comme décoration sur les dômes d'église. Vous rentrez dans une église, vous levez le nez, et vous avez un dôme. Et régulièrement, il y a des pavages sur le dôme, des carrelages, appelons ça comme ça, qui veulent faire comme s'ils étaient à plat. C'est-à-dire que vous avez ce qui veut être des carrés sur le dôme. Et en fait, du coup, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de place et on se rend compte que les carrés deviennent de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on se rapproche du sommet du dôme. Autre exemple qui fonctionne très bien avec ça, alors que si on passe juste sous une voûte, sous un morceau de cylindre, ben là, si on a ce type de pavage là dessus, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de déformation. Et donc ça, vous pouvez regarder, il y a des dômes comme ça où on voit genre un pavage comme une ruche d'abeilles, des hexagones réguliers, enfin des hexagones, pas réguliers justement on peut pas, des hexagones. Et là, de la même façon, ils sont plus grands en haut et plus petits en bas parce qu'il y a de moins en moins de place. On est sur un morceau de sphère, on n'est pas sur une surface, sur de la géométrie plane, donc ça marche pas. Donc c'est vraiment très concret, ça fonctionne et on peut pas faire ce qu'on veut. Et à l'inverse, si vous avez quelque chose sur un dôme qui fonctionne bien, si vous le mettez à plat, ça va pas fonctionner non plus. Dans les gens qui font ça aussi sans se rendre compte que ça va pas marcher, il y a les fabricants de boules à facettes. Enfin, sans se rendre compte, je sais pas, ils doivent être au courant, ils doivent le faire, mais le savoir. Mais une boule à facettes basique, c'est fait avec des petits morceaux de miroir plans, des petits carrés. Et en fait, on est en train d'essayer de mettre les carrés par ligne, généralement c'est comme ça que ça se passe. On fait une rangée de miroirs à l'équateur, de petits miroirs carrés à l'équateur, et puis on fait une rangée de petits miroirs carrés au-dessus, et puis une rangée de petits miroirs carrés au-dessus, etc., etc. Mais ça, faut bien se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est un truc qui marche à plat. Des rangées de carrés les unes au-dessus des autres, c'est un carrelage à plat. Et donc, si on se met sur une sphère, trapézoïdaux, du coup. Eh ben non. Du coup, juste, il y en a de moins en moins, et ils sont de plus en plus petits pour pouvoir se mettre. Ouais. Et effectivement, la boule à facettes, et ben en haut c'est des tout petits carrés et à l'équateur c'est des carrés beaucoup plus grands. Et en bas c'est des carrés beaucoup plus petits aussi. Il y aurait d'autres façons de faire, mais a priori la boule à facettes bas de gamme basique, elle est faite comme ça. Donc effectivement, sinon tu pourrais mettre des trucs de trapézoïdaux. Alors évidemment, on peut regarder aussi tout ce qui est dôme en architecture. Vous regardez la géode, vous regardez toutes les choses comme ça qui ressemblent à ça. Vous allez retrouver ce genre de problème. On peut pas faire que des triangles qui se rencontrent par 6, c'est plat. Et donc la géode à la Cité des Sciences, là, je vous la montre parce qu'elle est dans mon champ de vision. Merci pour cette boule à facettes de toute beauté. On se rend compte qu'on est obligé de mettre des carrés de plus en plus petits et de moins en moins, quoi. C'est n'importe quoi, c'est assez moche quand même. On aurait pu faire un truc qui marche bien sur une sphère, ça existe. Mais bon, je pense qu'on s'en fout quand on danse, mais... Oui, mais si on danse... Le fait est que je ne danse pas, mais ça c'est... qu'est-ce que tu fais du cas de l'Eurosat? Je ne sais pas si tu connais l'Eurosat, c'est une attraction à Europa Park, c'est une grosse boule comme ça, et en fait c'est pas des petits carrés qui la recouvrent, c'est des triangles. Ah ben voilà, ben alors ça va être comme la géode. Donc c'est des triangles, et alors la géode, grand jeu concours, donc j'imagine ça c'est pareil, et beaucoup de géodes, pas toutes, mais beaucoup de géodes dans le monde, le grand jeu concours quand elles sont recouvertes avec des triangles, c'est de se rendre compte que les triangles se rencontrent partout par 6, c'est-à-dire que autour d'un sommet de triangle, on trouve toujours 6 triangles, sauf à quelques endroits, sinon on pourrait pas recouvrir une sphère avec. Et donc en fait, précisément, il y a 12 endroits où on va trouver que les triangles sont rangés par 5. Sinon ça ne fonctionne pas, juste c'est pas possible en fait. Donc là, ouais, voilà, Eurosat, là, bah, grand jeu concours, essayer de trouver les irrégularités, à quel endroit. C'est pas comme aux autres endroits, et en fait on nous arnaque, c'est pas 6, c'est 5 triangles. Alors, évidemment, le but, c'est de faire en sorte que ça soit le plus discret possible, tout ça. Là, je vois qu'il y a une scène, là, donc ça cache ce qui est juste derrière. Peut-être c'est un bon endroit pour faire un truc louche. Mais voilà, si vous regardez des photos de la géode, en tout cas, c'est très drôle parce que une fois qu'on le sait, on regarde, on voit des lignes très, très, toutes droites, qui ont l'air bien régulières et tout. Et tout d'un coup, on se dit, ah, là, il y a un truc bizarre. Et on suit le truc bizarre, on se concentre dessus et on trouve un endroit où il y a effectivement cinq triangles et pas six. Donc là, bon, en direct, je pense que ça va pas être très radiogénique que je cherche. Donc je vous laisse faire le boulot pour essayer de comprendre comment c'est fait. Mais c'est sûr, ça peut pas être autrement. Et ça, c'est un truc qui me plaît bien quand même. Alors dans les autres choses à regarder avec ce sujet-là, il y a un endroit magnifique pour ça. C'est le centre Pompidou-Metz. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez regarder une image de ce musée qui a une structure que, à titre personnel, je trouve magnifique. Et le toit a une forme complètement improbable. C'est vraiment un truc avec des grosses vagues dans tous les sens. Et alors si on essaie de regarder ce que c'est cette surface-là, bah il y a évidemment des endroits où c'est de la géométrie hyperbolique. Il y a évidemment des endroits où c'est des cols de montagne. Il y a assez nettement des endroits où c'est de la géométrie plane. Il y a des endroits où il y a des espèces de c'est tellement courbe que on voit même plus ce qui se passe. ça fait un trou. Et il y a des endroits où ça a l'air d'être un peu de la géométrie sphérique, notamment les trous là. En fait, on pourrait penser que ben d'une certaine manière, pour finir le trou, on est bien obligé d'avoir un petit morceau de sphère en fait dans le trou pour fermer, si on voulait vraiment fermer. Et donc en fait, c'est une combinaison de ces trois géométries. Et la question, c'est globalement, est-ce que c'est plutôt sphérique, hyperbolique, plan? Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que si on regarde bien du dessus, le bord du bâtiment, c'est quasiment un hexagone régulier. Si on regarde la structure qu'on voit très très bien dans les photos de nuit avec l'éclairage par en dessous, eh ben c'est un pavage plan, quasiment pas déformé. Donc ça veut dire qu'en fait, cette surface-là, elle est faite de façon à ce que les endroits où c'est de la géométrie hyperbolique sont compensés par des endroits où c'est de la géométrie sphérique. Parce que globalement, le pavage qui est dessus, les formes qu'on trouve dessus, on s'y voisine, quoi. C'est-à-dire que c'est un pavage, schématiquement, c'est un pavage en nid d'abeille, en hexagone. Donc si c'est des hexagones réguliers, c'est-à-dire que globalement, c'est plat. Et donc c'est exactement le mur de Meulière raconté autrement. Au lieu de dire parfois on met des formes qui ont 7 voisines et d'autres qui en ont 5, là on dit parfois on tord, on courbe comme une chip, et parfois on courbe comme un ballon, et on s'arrange pour que ça se compense. Donc voilà, donc ça j'ai trouvé ça très très magnifique quand j'ai visité ce musée là. Bon c'est très schématique hein, ce que je dis, mais concrètement ça fonctionne quoi. Il y a Barenzia dans la chatroom qui demande si c'est aussi le cas du musée des Confluences à Lyon. Alors lui je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas dire. J'ai peur de dire des bêtises. Mais en tout cas c'est des trucs à observer, c'est des trucs à regarder parce que c'est vraiment ça donne un. C'est ce que j'aime bien avec les maths, c'est-à-dire que on peut regarder ça sans les maths. Mais avec les maths, on continue à le trouver joli quand même. Et en plus, on voit autre chose qui est très joli, quoi. C'est quand même l'art. Je veux dire, le mur en meulière, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est pas transcendant. Le mur en meulière, une fois qu'on dit tiens, c'est rigolo, s'il y a un heptagone quelque part, il y a un pentagone pas loin pour compenser, eh ben c'est rigolo, quoi. C'est pas forcément joli, mais au moins c'est rigolo. On passe un bon moment quand on passe devant un mur en meulière. Surtout si on attend le métro, enfin, le RER, parce que c'est souvent en banlieue. Quelqu'un m'a traité de parisien, j'assume jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est souvent en banlieue, j'y peux rien, moi. Il y a des trucs, il y a quelque chose de magnifique à voir sur l'opéra en Australie, là, comment il s'appelle? L'opéra très très connu en Sydney. Australie, hein? Sydney, oui, à Sydney, oui, voilà, l'opéra de Sydney, qui a un nom, en termes de courbure, c'est hyper intéressant parce qu'en fait l'architecte a pris une contrainte de courbure pour que ce soit plus facile à la fabrication. C'est-à-dire que ce monument qui a l'air tout déstructuré, y a quand même un truc, c'est que des morceaux de sphère d'une même taille pour que toutes les formes qui servent à le recouvrir aient la même courbure et puissent être fabriquées en chaîne, quoi. Donc c'est assez rigolo. Il y a plein de, en architecture, il y a plein de questions sur la géométrie comme ça qui se posent, qui sont passionnants. Voilà. Je voulais vous parler encore de deux, trois autres endroits où on rencontre ça naturellement. Et puis, encore une fois, je pense qu'en fait, c'est en parlant de choses concrètes aussi qu'on peut se rendre compte mieux comprendre, en tout cas mieux assimiler ces notions-là. Il y a les surfaces en crochet, ça c'est un truc. On a une collègue qui est partie malheureusement du Palais de la Découverte depuis quelques temps, mais très sympa, et qui faisait du crochet. Et en fait, on a discuté maths et crochet, quoi. Elle a fait avec un collègue un article maths et crochet, et c'était là-dessus. Et effectivement, c'est magnifique. Et il y a une personne d'ailleurs qui fait ça professionnellement, qui fait des modèles d'algues en crochet. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si on veut faire du crochet, donc si on veut faire un petit napperon en crochet, alors la meulière courbe, je vois Kaou qui a l'air paumé. Non, la meulière, c'est une autre façon de voir de la courbure. D'une certaine manière, on peut dire que quand on voit le mur en meulière, là où il y a une pierre qui a 7 voisines, et ben d'une certaine manière, on en met trop, donc c'est comme si on était sur une surface hyperbolique. Là où on a une pierre qui a 5 voisines, c'est plutôt comme si on avait de la géométrie sphérique. Mais on reste à plat. Donc au lieu de déformer le mur, on va déformer les formes qui servent à remplir le mur. Et le musée de Metz, c'est le contraire. Les formes sont toutes les mêmes, mais on déforme la surface. Et donc le pavage, il y a toujours, les formes ont toujours 6 voisines. Donc voilà, c'est juste la meulière, c'était juste pour dire, de même que sur le toit de Metz, il y a parfois des surfaces hyperboliques, parfois des surfaces planes, parfois des surfaces sphériques, le fait qu'il y ait parfois des pentagones, parfois des heptagones, c'est la même chose vue autrement. Donc oui, je reviens au crochet. Si vous voulez faire un napperon, alors vous commencez par faire un petit crunch crunch au milieu là, qui va être le point d'accroche du napperon, le centre du napperon. Et après, vous faites des mailles tout autour de ce centre. Vous faites un certain nombre de mailles pour faire le tour. Et puis après, vous vous éloignez et vous allez faire à nouveau un tour en enchaînant des mailles. Et l'idée, c'est que vous faites en gros des cercles concentriques qui s'éloignent de ce centre, donc de plus en plus grands. Et pour savoir combien il faut faire de mailles sur chacun de vos cercles, il suffit de savoir à quelle distance vous êtes du centre. Si vous êtes deux fois plus loin du centre qu'un autre cercle, vous allez faire exactement deux fois plus de mailles. Puisque un cercle deux fois plus grand, si le rayon est deux fois plus grand, le périmètre est deux fois plus grand. Donc on fait deux fois plus de mailles, et le cercle a la bonne taille. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un cercle qui va avoir un périmètre, un nombre de mailles, proportionnel à sa distance au centre du napperon. Maintenant, si vous voulez pas faire un napperon en crochet, mais si vous voulez faire un emballage de boules, donc une sphère, et ben ce qu'il va falloir faire, c'est au contraire faire moins que proportionnel à la distance au centre. On va faire des cercles qui sont plus grands que les précédents, mais plus petits que ce qu'on ferait pour faire un napperon. Donc on fait quelque chose où c'est plus petit que ce qu'on attendrait, c'est plus petit que proportionnel. Alors il faut calculer exactement, là il y a des formules mathématiques pour le faire, il faut calculer exactement, et puis quand on arrive à l'équateur, évidemment, et ben là il va falloir faire des choses de plus en plus petites jusqu'à retourner au pôle sud, quoi. Mais en tout cas, on fait du pôle nord à l'équateur, on va faire des cercles qui sont de plus en plus grands, mais moins que proportionnellement à la distance, au centre. Et évidemment, on peut faire des crochets, des formes au crochet magnifiques, si, à l'inverse, on fait quelque chose qui est plus grand. Oui, pour faire un bonnet, dit Agnès, exactement. Pour faire un bonnet, on va faire exactement ça. Le crochet, la couture, c'est passionnant d'un point de vue géométrique, mathématique. Je rêve d'avoir 15 vies pour pouvoir tout faire, parce que c'est vraiment passionnant. Et le bonnet, bien sûr, c'est ça. C'est ça l'idée. Et donc, à l'inverse, si on fait quelque chose où on met plus de mailles à chaque fois, que ce qui est proportionnel à la distance, on va avoir petit à petit pas assez de place, et donc ça va finir par faire des vagues. Et on va observer quelque chose qui ressemble à une feuille de salade, enfin une feuille de salade circulaire, c'est pas très courant, mais en gros c'est l'idée. Vous voyez, si vous prenez plein de feuilles que vous centrez là, le centre c'est à peu près plat, puis plus on s'éloigne, plus il y a de vagues. Et donc effectivement, si on augmente le nombre de mailles plus que proportionnellement, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une algue, qui va ressembler à une salade, qui va ressembler, alors si on n'abuse pas trop, à une chip, des choses comme ça. Et donc on va faire de la géométrie hyperbolique. Et on voit bien que là, c'est juste parce qu'on en met trop que naturellement ça prend cette forme-là. Autre, puisque j'ai parlé de couture, je vais être obligé d'en parler, évidemment qu'en couture, c'est essentiel et c'est pas anodin de connaître ces notions-là pour savoir à quel endroit on va avoir des coutures qui se rejoignent. C'est pas pour rien. Si on a des coutures qui se rejoignent aux épaules, qui sont des endroits quand même plutôt sphériques. Et c'est pas pour rien si on a des coutures qui se rejoignent à l'entrejambe, qui est un endroit quand même plutôt hyperbolique. Ou les dessous de bras, qui sont complètement hyperboliques aussi. Si vous regardez vos dessous de bras, si vous vous mettez pile à la couture du dessous de bras, et ben c'est clair que de la main au bas du corps, on a une courbure dans un certain sens. Mais en revanche, de l'avant à l'arrière, on a une courbure qui est dans l'autre sens. Donc si on fait la multiplication des deux, ça va être négatif. Ça va faire une courbure négative, on est bien sur une surface hyperbolique. Donc en fait, toutes ces notions-là sont connues des gens qui font de la couture. Par exemple, si on veut faire des froufrous, ben on va encore essayer de faire de la géométrie hyperbolique. Si on veut faire des choses cintrées, on va faire de la géométrie hyperbolique. Les épaules, les poitrines, on va faire de la géométrie sphérique. Et donc d'ailleurs, si on a un tissu qui est plat, on va être obligé de le plisser pour réussir à faire quelque chose qui suit bien soit les épaules, soit la poitrine, la forme de la poitrine. Donc c'est oui, l'aisselle, oh, ça va, sous le bras, ça, tout le monde comprend. Donc voilà, donc il y a vraiment des choses. Et alors, le dernier exemple que je voulais citer, parce que d'abord c'est un copain et que c'est très chouette ce qu'il fait, et parce que ça m'a surpris, parce que je m'y étais pas du tout attendu, c'est les gens, très nombreux, n'est-ce pas, qui font de la sculpture sur métal. Parce qu'en fait, ils vont travailler avec des plaques de métal qui sont plates et qui ont une certaine épaisseur. Et donc, s'ils veulent sculpter quelque chose, bah de deux choses l'une, soit la forme qu'ils veulent faire, elle est de courbure nulle, et dans ce cas-là, bah juste ils tapent dessus pour lui donner la bonne forme, ils chauffent et ils déforment petit à petit pour lui donner la bonne forme. Soit la surface qu'ils veulent faire n'est pas une surface de courbure nulle. Si c'est soit une sphère, soit un truc de, enfin une géométrie sphérique, soit une géométrie hyperbolique, et ben pour eux, ça a une signification très concrète qu'ils connaissent extrêmement bien, qui est on réfléchit aux endroits où on va devoir affiner la plaque. C'est-à-dire que sur une sculpture en métal, eh ben, la plaque va être par endroits plus épaisse qu'à d'autres. Et pourquoi ? Parce que ce sont des histoires de courbure. S'il y a une courbure positive à un endroit, on est obligé d'avoir plus de matière. Si on a une courbure négative, il y a plus de place et donc on est obligé d'affiner la plaque. Et donc ça c'est des choses, j'en ai discuté donc avec un sculpteur qui est devenu vraiment un copain qui s'appelle Ulysse, j'en avais peut-être déjà parlé d'ailleurs. Son nom de je veux l'inviter, un jour il viendra ici. Son nom d'artiste c'est Ulysse, hein, il s'appelle Ulysse Lacoste. Vous pouvez chercher son nom, aller voir ses œuvres, c'est magnifique. Et c'est très drôle parce que il a pas un parcours scientifique, il a un parcours d'art. Bon, il s'est jamais non plus fâché avec les sciences, avec les maths pas en particulier, mais c'est pas du tout son parcours. Et pour lui, c'est vraiment sensible. C'est exactement comme les gens qui font de la couture. C'est quelque chose, c'est une notion qu'ils ont très intuitivement. Et donc, c'est vraiment une notion que j'aime énormément, la courbure, parce que, en plus de pouvoir en parler pendant des heures d'un point de vue mathématique avec ces histoires de courbure maximale, minimale, négative, positive, etc., etc., c'est un côté très concret et qui concerne énormément de gens qui font des maths sans le savoir. Donc voilà pourquoi ce sujet me plaît, et voilà pourquoi j'en parle depuis plus d'une heure, et donc je vais m'arrêter, à moins que vous ayez des questions, parce que je parle trop. Non mais c'est parfait, mais moi je me demande juste un truc, comment tu transposes ça à l'architecture, enfin je sais pas si tu sais, mais enfin, comment est-ce que tu passes de ces concepts de courbe aux matériaux, est-ce que c'est l'architecte lui-même qui fait tous les calculs, ou est-ce que, je sais pas, ils embauchent des mathématiciens exprès pour ça, tu vois, enfin, je me pose... Bah, c'est-à-dire, c'est des choses toutes bêtes. Après, t'es pas obligé de savoir exactement ce que tu fais, il y a des logiciels qui font plein de trucs tout seuls, donc t'es pas obligé de savoir ce que fait le logiciel, mais clairement, si tu veux faire le toit du centre Pompidou-Metz, et que tu dis, moi, ce que je veux, c'est que le rendu en dessous, ça soit un pavage régulier, plan, un truc où chaque forme a six voisines, alors que ce que je veux, c'est une surface courbe, bon, bah, au bout d'un moment, t'es quand même en train de toucher ça, quoi, de palper ça. Après, si tu veux faire les calculs exacts, etc., etc., bon, mais... Ordinaire, zut. Je vais revenir sur les dômes. Les dômes, je veux dire, c'est une théorie mathématique de dingue, quoi, qu'il va falloir les faire plus petits, de plus en plus petits. De toute façon, si t'essayes de le faire, tu t'en rends compte assez vite, quoi. Et puis qu'il y a de moins en moins de matière, bah tu t'en rends compte. Et puis que les briques, t'en mets de moins en moins au fur et à mesure que tu montes sur ton dôme. Bah, je sais pas si parmi vous il y a déjà qui ont déjà fait un petit peu de ce genre de choses. Il se trouve que moi j'ai participé un peu des chantiers bénévoles, des trucs, je me suis marré. On a fait des voûtes justement. Et c'est rigolo parce que c'est très palpable. J'ai pas fait de four à pizza, non. Des igloos. Les igloos, mais exactement, les igloos. Bah les igloos, je veux dire, c'est pas la peine de savoir que tu fais des maths pour savoir que à chaque rangée, tu vas utiliser moins de briques que l'étage du dessous. C'est pas bien compliqué, je veux dire, c'est pas, et qu'il va falloir les faire en biais aussi. C'est des trapèzes et c'est pas des rectangles, effectivement. Enfin, ça va. Enfin, tu peux faire des rectangles, mais il y a le problème boule à facette, quoi, qui apparaît très nettement. Mais pour répondre à ta question, l'architecte, il fait des dessins. Je pense que dans ces logiciels, il y a des choses pour jouer avec les textures, il y a des choses pour jouer avec les formes, etc., etc. Pour jouer avec des tissus. Alors par exemple, il y a des questions. Quelle élasticité tu donnes à ton tissu, par exemple. Je pense que ça, ils ont des outils comme ça. Un truc très intéressant, par exemple, les architectes ou les gens qui font des décors de jeux vidéo ou de films en animation, ils jouent aussi énormément avec ça, puisque toutes leurs surfaces sont des surfaces qui sont ce qu'on appelle triangulées. C'est-à-dire que ce sont juste des polyèdres qui sont formés uniquement de triangles, avec plein de tout petits triangles, qui permettent d'avoir les formes de bonshommes, d'arbres, de n'importe quoi, oui, de décor. Oui, c'est vrai que j'allais y venir, effectivement, ça m'a fait penser à ça, mais finalement, je me suis dit que c'était la fin de l'émission, donc j'avais pas posé la question, mais effectivement, le triangle est quelque chose d'extrêmement... Mais alors, du coup, c'est un peu différent, parce que je pense que, du coup, c'est-à-dire que là, du coup, c'est la surface que tu déformes, en fait. C'est-à-dire que tu approximes ta surface par tes triangles, mais du coup, ta sphère est pas vraiment une sphère, du coup. Mais c'est pas fait pour. Non, mais n'empêche. Mais plus t'ajoutes de triangles, plus ta sphère est proche d'une sphère, quoi. Ouais, mais n'empêche que tout ce que j'ai raconté sur le nombre de voisins reste vrai. Ouais. Et d'ailleurs, oui, je rajoute deux trois trucs auxquels j'avais pensé et que je pense quand même sont rigolos pour changer votre vie quand vous vous baladez dans la rue. Un mur de briques, c'est assez fascinant aussi. Ça a l'air con comme ça, un mur de briques, mais c'est assez fascinant. Il y a plusieurs types de briques. Je vous donne les deux qu'on voit le plus souvent. Il y a les briques régulières, elles ont toutes la même taille et elles sont installées en quinconce. Si vous regardez, chaque brique a rigoureusement 6 voisines. C'est pas parce que c'est des rectangles. Il y a deux briques au-dessus, en voisine, il y a deux briques au-dessus, deux briques en dessous. Ah oui, la photo d'Ulysse, merci. Deux briques au-dessus, des briques en dessous, une brique à gauche, une brique à droite. Donc chaque brique a rigoureusement 6 voisines. Et il y a d'autres murs, assez fréquents, où il y a des petites briques et des grandes briques. Et là, il y a des briques qui ont 8 voisines et des briques qui n'ont que 4 voisines. Et ben, si on fait la moyenne entre 8 et 4, ça fait 6, ça marche. C'est vraiment chouette, quoi. C'est un truc qu'on peut observer à plein d'endroits et on peut se poser la question à plein d'endroits. Plouf, plouf. Donc oui, dans les triangles, voilà, tu vas quand même pouvoir avoir ces contraintes-là. Et donc, le rapport avec les pavages de Penrose, les pavages de Penrose sont des pavages plans. Ça ne s'intéresse qu'aux pavages plans, donc la géométrie plane. Est-ce qu'il y a des pavages non périodiques? Alors en sphérique, a priori, ça n'a pas de sens parce que ce sont que des pavages finis. Est-ce qu'il y en existe en hyperbolique des connus? J'en sais rien. J'aurais tendance à croire que oui, parce que j'ai l'impression qu'une fois qu'on les a à plat, mais je veux pas dire de bêtises, je sais pas. Ah oui, il y a même moi sur la photo, c'est vrai. Et peut-être même ma fille. Oui. Tout à fait. Je te rappelle que les auditeurs, ils te voient pas. Hein, la ah oui, pardon. Pour les auditeurs, si vous voulez me voir, je suis sur la photo. Pouf, pouf. Et donc oui, les briques, c'est rigolo. Et l'autre truc que je voulais raconter, qui est vraiment chouette, c'est un truc que j'ai trouvé sur La Boîte Verte, qui est un site absolument génial. J'espère que vous le connaissez tous. La Boîte Verte, c'est un site qui montre plein de trucs complètement... On pouvait pas penser que ça existait avant de l'avoir vu sur ce site. Et notamment, là, il y a un artiste qui a fait quelque chose d'assez marrant. Il a pris en photo toutes les intersections de grandes routes aux États-Unis. Et après, il a fait un stop motion avec en les passant. Donc, c'est vu par au-dessus, juste au-dessus du carrefour, vu par au-dessus. Plein de carrefours, de grandes routes qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit dans les films, là, les routes sans fin, toutes droites. Et c'est un truc, c'est une réflexion que je m'étais déjà faite en voyant des films qui se passent dans ces endroits. C'est que c'est quand même complètement aberrant. On est aux États-Unis. C'est plein de vide. C'est tout plat. Et ça arrive très souvent dans les films. Le type arrive en voiture et il y a une intersection. Et en fait, pour aller en face, eh ben, il faut prendre un peu l'autre route. C'est pas en face. Vous avez déjà remarqué ça? C'est complètement nul. Le type arrive et il est obligé de tourner sur l'autre route. Et puis après, hop, il tourne à nouveau, vers la droite. C'est gauche-droite ou droite-gauche, et au lieu d'aller tout droit, il allait du sud au nord là, et il est obligé de faire un tout petit tronçon de la route qui va d'est en ouest pour reprendre sa route vers le nord. C'est complètement débile. Et en fait, l'origine de ça, c'est exactement la même origine que la boule à facettes. C'est que les gens qui sont arrivés aux États-Unis et qu'on dit ah oh, bah c'est bien, c'est tout vide. Bon, ils avaient oublié qu'il y avait des gens, mais des gens qui avaient rien construit, ça compte pas. Ils ont dit bon, c'est tout vide, faut qu'on mette des routes là-dedans pour se déplacer. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des routes toutes droites qui sont à angle droit les unes avec les autres. Mais ça marche à plat. Vous savez, les platistes là aux États-Unis, c'est pas la peine de faire une fusée, les gars. Allez voir vos intersections de grandes routes et vous constaterez qu'elles arrivent pas face à face. Pourquoi elles arrivent pas face à face? C'est pas parce que les gens ont mal fait leur boulot et ont pas fait des routes toutes droites. C'est parce qu'ils ont bien fait leur boulot et qu'ils ont fait des routes toutes droites à angle droit les unes des autres et qu'on est sur une terre ronde, les gars. Et que donc ça marche pas. Et que donc ça fait exactement comme la boule à facettes. Si vous faites une rangée de rectangles et une rangée de rectangles identiques au-dessus, ça peut pas tenir. La rangée du dessus, bah, il y a moins de place, quoi. Donc c'est pas en face. C'est dingue, hein. Moi, ça m'a réjoui, mais alors à un point que j'étais content. Et donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en stop motion, vu du ciel, là, des intersections où c'est les deux routes très éloignées l'une de l'autre, puis ça se rapproche, hop, c'est en face, et hop, ça part de l'autre côté. Voilà. C'est complètement dingue. Donc c'est voilà, donc la boîte verte, allez voir ça, c'est bon. Et la boîte verte intersection route États-Unis, vous allez tomber dessus assez rapidement, c'est très chouette. Voilà, pardon, du coup je pensais avoir fini, mais ça aurait été dommage de rater ça quand même. Clairement. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la chatroom, je crois que tu les as toutes passées au fur et à mesure. Ah non, il y avait une question plus haut. C'est le professionnalisme. De Nive qui demandait si l'univers avait une forme de selle de cheval ou de chips. Voilà. Alors, ça, on ne va pas en parler puisque ce ne sont pas des maths, mais je peux quand même juste dire ce que je sais sur le sujet, c'est-à-dire pas grand-chose. Là, je vous ai parlé de surfaces courbes. Donc, des surfaces qui sont de deux dimensions, qui sont courbées dans un monde en dimension 3. Alors, en fait, pour de vrai, quand on parle de géométrie hyperbolique en maths, on s'en fiche d'avoir une surface, ou sphérique d'ailleurs, on s'en fiche complètement d'avoir des vraies surfaces. On travaille dans des mondes assez imaginaires et dans lesquels on se donne des règles du jeu, du style, oui, on peut remplir, on peut faire un carrelage avec 5 carrés, des carrés qui se rejoignent 5 par 5. Bon, bah, on est en géométrie hyperbolique. Donc, c'est on n'a pas vraiment besoin de ça. Et en fait, on n'aime pas trop ça parce que les surfaces hyperboliques dans notre monde en 3D, elles sont un peu nulles, elles sont obligatoirement infinies et elles finissent forcément par s'auto-intersecter tellement elles prennent de la place. Donc c'est assez moche de travailler avec ça. Une surface infinie ou s'auto-intersecter, ou alors elles finissent par avoir des... Enfin, il se passe des choses moches, je vais pas rentrer dans les détails, mais il se passe des choses moches. C'est assez inconfortable, les surfaces hyperboliques qui sont vraiment dans le monde en 3D dans lequel on est. Bref, et donc le truc c'est que là c'est des surfaces pliées dans une dimension 3 pour être courbe, et en fait on peut imaginer prendre l'espace en trois dimensions et le courber dans une quatrième dimension, et donc on peut avoir l'équivalent d'une sphère, c'est-à-dire un espace avec une courbure positive, mais un espace, c'est-à-dire que pour nous ça voudrait dire que ben en fait si on fait un triangle assez grand, on va se rendre compte que c'est un triangle qui est comme sur la Terre, c'est-à-dire un triangle, si on prend un triangle suffisamment grand sur la Terre par exemple, qui part du pôle Nord, qui va à l'équateur, qui fait la même distance sur l'équateur et qui revient au pôle Nord, on a un triangle avec trois angles droits. Si on coupe un quartier de pommes, là, ouais, et ben on a un angle droit au pôle Nord, un angle droit au pôle Sud. Si on coupe en plus l'équateur, le huitième de pomme qu'on enlève, là, un huitième de pomme, c'est délimité par trois angles, c'est un triangle qui a trois angles droits. Ouais. Donc en gros, on peut se rendre compte qu'on est dans un monde courbe, même si on le voit pas en entier. Je le refais mieux. Et Léa, non, je le refais mieux. Je pense qu'il faudrait que je le fasse, quoi, que je coupe le huitième mieux. De pomme. Tu pars de l'équateur, parce que je l'ai okay. Pas bien fait. Tu pars de l'équateur, tu montes au pôle Nord. Ouais. Tu tournes à angle droit. Genre à la surface de la Terre ou vers l'intérieur de la Terre? À la surface de la Terre, tu tournes à angle droit. Tu redescends jusqu'à l'équateur, tu reviens à ton point de départ. Tu viens de faire un triangle qui a trois angles droits. Et ça, t'as intérêt à être sur une sphère pour pouvoir le faire. À plat, ça fait mal. On trouve souvent ça sur les bouquins de oui. géologie ou des trucs comme exactement. Ça, qui montrent des sections de la Terre ouais. avec le noyau, oui, c'est la bon, croûte, je vois. Etc. Ils enlèvent un huitième. Et donc ça, eh ben, ça veut dire que même si tu imagines quelqu'un qui vit en 2D, il peut se rendre compte qu'il est sur une surface qui n'est pas plane, mais qui est une surface de géométrie sphérique, parce que si son triangle est suffisamment grand, bah, la somme des angles ne fait pas 180 degrés, elle fait plus que 180 degrés. Et à l'inverse, si tu es sur une surface hyperbolique, si tu fais la somme des angles d'un triangle, elle est fait moins que 180 degrés. Ok. Voilà, donc tu peux t'en rendre compte sans quitter ton monde. Et donc en fait, on pourrait se rendre compte sans tirer, sans quitter notre monde, et c'est des choses que effectivement les astronomes font. On pourrait prendre des distances immenses, évidemment, parce que l'univers, s'il est courbe, c'est dans des proportions qui dépassent complètement notre entendement. Donc il faut prendre des étoiles lointaines les unes des autres et tout. Et on essaye de faire des triangles et de regarder les angles pour voir si par hasard notre univers ne serait pas courbe dans un sens ou dans l'autre. Et en fait, il est courbe. Je pose ça là, comme ça, en fin d'émission. Ouais, j'avais pas prévu de parler de ça, parce que je me dis tout de suite, la dimension 4, tout ça, je vais les perdre. Mais oui, si on peut le dire bêtement comme ça, si tu fais un triangle assez grand dans l'univers, et que tu mesures ses angles, tu vas te rendre compte que ton univers, en fait, il est pas plat. Mais ça va, hein, on le vit plutôt bien. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que l'univers est courbe, particulièrement là où il y a de la masse. Donc si tu te mets à proximité du soleil, par exemple, il va se passer des trucs pas terribles, tu te mets... voilà. Un trou noir, si tu veux, le triangle, la somme des angles, elle fait grave pas 180, quoi. Je crois que les dernières hypothèses, là, sont plutôt sur une courbure très très très faible, voire plutôt plat, mais bon. Oui, global, mais localement, il y a quand même des courbures. Oui, ouais. C'est-à-dire oui. que c'est le toit du Pompidou-Metz. D'accord, oui. C'est courbe à plein d'endroits, mais globalement, c'est plat. Ok. Ça n'empêche pas. Ok. Non, non, du coup, est-ce que le centre Pompidou-Metz est censé évoquer l'univers ou... Ah bah moi, j'avoue que les gros trous, là, les endroits où ça se courbe énormément, où ça finit par faire un trou, ça me fait fatalement penser à un trou noir, mais je... Fatalement. Très bien, alors finissons sur ce trou noir, du coup. Et Robin, est-ce que tu as pensé à venir avec une citation ? Et évidemment, ça va sans dire. Je peux faire le quiz pendant que tu t'en rappelles. Fais exactement. Le quiz pendant que je la retrouve dans mes notes. Donc le quiz du mois en ce moment. Donc pour rappel, la réponse est le 17 février. Ne répondez pas après parce que sinon on pourra pas lire votre réponse à l'antenne. Voilà. Réponse le 17 février. Du coup, les plantes brûlent-elles au soleil si on les arrose? En pleine journée, info ou intox. Et voilà, moi, grand-mère me disait toujours d'arroser les plantes à l'heure du coucher de soleil quand j'étais en vacances avec elle. Que sinon, ça tuait les plantes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous aurons. Et Claire, t'en penses quoi ? J'en pense comme Johan. Moi, on me disait que mon papa, il me dit toujours d'arroser les plantes le matin avant qu'il fasse plein soleil. Et mon papa, il sait plein de choses. Ok, bah réponse le 17 février du coup. Est-ce que Robin, tu as trouvé une citation ? J'ai un peu de mal. J'en ai trouvé une, mais je l'assume pas vraiment. En fait, j'en cherchais une autre. Si je vais la trouver. Vous me laissez une seconde et je crois que je vais la trouver et que ça va être. Vous allez me détester. En attendant, Joanne, peut-être que tu peux dire de quoi on parle la semaine prochaine. La semaine prochaine, venez en masse, on aura un invité très intéressant. On va, donc je ne sais pas si vous savez exactement ce qui se passe dans deux semaines, le 18 exactement à 21h30, donc le 18 à 21h30, on a un atterrissage sur Mars du robot Persévérance, donc c'est toujours une grande nouvelle. Et dessus, il y a un instrument français qui s'appelle Supercam. Et donc en fait, on va parler avec un chercheur et ami qui... William Rapin, donc qui a bossé beaucoup sur le même instrument qui était sur l'ancien rover Curiosity, qui s'appelait ChemCam, et donc qui a pendant des années conduit littéralement un rover sur Mars, voilà. Et là, il vient d'être recruté et il a aussi participé donc au travail sur SuperCam, qui est le futur instrument. Voilà. Donc on va parler de qu'est-ce que ça fait de construire un rover sur Mars, et on va parler de qu'est-ce qu'il faudra attendre la journée du 18. Voilà. Et donc nous ne ferons pas de live spécial atterrissage, mais j'en profite pour faire la pub pour une chaîne Twitch qui fait beaucoup de live autour du spatial. C'est la chaîne de Whitney. Sa chaîne, c'est Space Explorer W. Et voilà. Et du coup, donc elle, bah, comme bonne Twitcheuse, elle fera donc son live le 18. Et je vous conseille donc le 18 au soir, l'atterrissage se fera à 21h30 heure française, donc allez-y un petit peu avant, etc. C'est toujours un très chouette moment, hein, les atterrissages de sonde, hein. C'est très un côté très angoissant parce que en gros l'atterrissage dure moins de temps que la durée même message à arriver. Donc en fait, on perd la communication. Et en fait, à ce moment-là, au moment où on perd la communication, le rover s'est déjà scratché ou a déjà atterri. Mais on ne sait pas encore. Et on ne le saura que 5 ou 6 minutes plus tard quand le signal sera arrivé. Donc c'est toujours un chouette moment. Assez angoissant, mais très agréable. Ok. Alors, suspense, Robin, est-ce que tu as trouvé une citation? Il y a des auditeurs qui ont réclamé les deux. Qui ont réclamé les deux? Les deux citations que tu disais qu'il y en avait une que tu n'assumais pas. Non. En fait, ça en est qu'une. C'est de toute façon, j'assume pas. Mais surtout, j'ai pas trouvé exactement celle que je voulais. Donc bon, je vais tricher. Je vais en citer une qui est pas du tout celle-là, mais que c'est pas grave. On s'en fout. Ça change absolument rien. Parce que ce que je voulais citer, c'était en fait le théorème de Tchebychev, mais je ne le trouve pas. Donc vous allez avoir à la place le théorème de Adamar. Alors, pour ceux qui ont déjà fait des maths, Tchebychev, c'est complètement inévitable. Adamar, c'est à peu près inévitable aussi, mais c'est juste un peu plus loin. Enfin, je veux dire, il faut faire un peu plus de maths avant de le rencontrer. Et en fait, il se trouve que les deux, et encore d'autres, se sont intéressés aux mathématiques de la couture, en passant par la courbure, évidemment. Donc, je vais quand même vous dire le théorème de... Attends, il y a Cartan aussi dans la... Il n'y a que du beau monde. Le théorème de Cartan-Adamar. Toute variété riemannienne complète connexe de dimension n à courbure partout négative ou nulle admet l'espace usuel à n dimensions comme revêtement universel. Et je trouve qu'il fallait quand même le dire. Et juste au-delà de la blague, si certains sont intéressés, parce que c'est pas bon, voilà, c'est pas une vraie citation, mais si certains sont intéressés, je voudrais juste vous dire que Tchebychev, donc vraiment mathématicien russe très très reconnu qui a fait des mathématiques tout ce qui est plus sérieuse, a fait un livre entier sur la couture. Je vous incite à aller vous... Donc je vais pas vous citer son titre, c'est pas une vraie citation non plus, quoi. C'est sur la couture, je crois, le titre, ou un truc comme ça. Et donc il y a notamment Étienne Gis, qui est un mathématicien qui fait beaucoup de vulgarisation, qui est très connu pour ça, qui est un vrai mathématicien, attention, qui a fait toute une conférence et tout un article dessus. Donc avis aux amateurs. Eh bien, merci, Robin, pour cette recommandation. Et moi, j'ai trouvé une chouette citation de Poincaré que j'ai lue cette semaine, et je me suis dit que ça te plairait. Vas-y, sauve-moi. Qui est que sur les faits que les maths doivent rester utiles. La logique engendre parfois des monstres. Depuis un demi-siècle, on a vu surgir une foule de fonctions bizarres qui semblent s'efforcer de ressembler aussi peu que possible aux honnêtes fonctions qui servent à quelque chose. Plus de continuité, ou bien de la continuité, mais pas de dérivée. Bien plus au point de vue logique, ce sont des fonctions étranges qui sont les plus générales, celles qu'on rencontre sans les avoir cherchées et n'apparaissent plus que comme un cas particulier. Il ne leur reste qu'un tout petit coin. Autrefois, quand on inventait une fonction nouvelle, c'était en vue de quelque chose de pratique. Aujourd'hui, on les invente tout exprès pour mettre en défaut le raisonnement de nos pères et on n'en tirera jamais que cela. Ouais, bah il avait le droit de se planter des fois. Donc c'était pour les fonctions continue partout, dérivable nulle part ou ce genre de choses. Bref, moi je trouvais ça rigolo comme. Ouais, il est chouette cette citation. Bon, ben voilà. Eh ben, nous arrivons à la fin de cette émission pleine de rebondissements, tout en courbe et en contre-courbe. Rappelez-vous de regarder les murs en meulière autrement et de penser à vos dessous de bras hyperboliques en forme de chips en vous endormant ce soir. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de soirée non euclidienne et que servir la science soit votre joie. Thank you.